Nous allons maintenant écouter Christophe, qui va nous exposer la NDE qu'il a vécue, ainsi que ses conséquences lors de la journée Kardec à Paris. La parole est à Christophe Gigoux. Merci, bonjour à tous et à toutes. Alors moi, on m'a demandé d'intervenir aujourd'hui suite à une NDE que j'ai fait en septembre 2004, exactement. Ça fait déjà 12 ans. On commence bien sûr ce petit exposé. Je voudrais remercier Fatima de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer aujourd'hui, puisque c'est quand même une journée à l'âme Kardec, donc il va quand même falloir le citer, même si je tiens vraiment à faire ce petit exposé, principalement sur l'accident en lui-même que j'ai eu, mais surtout ce qui s'est passé après l'accident. Et la solution que j'ai enfin trouvée au bout d'au moins 11 années de galère pas possible à savoir ce qui essayer de comprendre ce qui m'était arrivé, puisque on en a si justement parlé tout à l'heure, il y a 50 ans, il y a des gens qui avaient fait déjà des NDE. Les NDE sont ancestrales. Depuis l'arrivée du premier homme sur Terre, je suppose que la NDE existait déjà, mais il est vrai qu'on n'en parle que depuis très peu de temps. Et on peut même dire que les scientifiques, les médecins, butent un petit peu sur la question, mais j'ai des bonnes nouvelles là-dessus. Alors, y a-t-il des gens qui ne savent pas du tout ce qu'est une NDE ? Rémi, apparemment tout le monde est au courant, ça m'arrange, on va aller plus vite comme ça. Donc, je vais surtout relater ce qui s'est passé pendant et après. Je voudrais faire un petit aparté quand même sur le spiritisme, bien sûr, sur la doctrine spirit, puisque je n'étais pas du tout spirit avant cet événement qui s'est produit. Mis à part le fait quand même qu'à l'âge de 16 ans à peu près, j'ai fait comme beaucoup de gamins, un petit peu dérangé par la vie qu'on menait, la vie qu'on a endurée. On a tous effectivement nos problèmes, nos petits fracas. Je ne vais pas revenir dessus parce que c'est un sujet déjà immense, puisque j'ai vécu dans ma vie, en l'espace de même pas 30 ans, 3 suicides dans ma famille, et pas des moindres, puisque mon grand-père s'est suicidé, j'avais 4 ans, ma mère, j'avais 20 ans, et mon père, une trentaine d'années. Donc, effectivement, on a tous nos petits soucis, et comme je me plais toujours à dire, effectivement, il y en a qui ramassent des douches toute leur vie, mais sachez que après une bonne douche, généralement, on a toujours une serviette chaude pas loin pour s'essuyer. Et arrive cette serviette chaude un jour ou l'autre. J'ai connu aussi le divorce, comme beaucoup de gens, alors que je me mettais vraiment à cœur d'avoir une vie de famille vraiment épanouie. Ça n'a pas été le cas. Professionnellement, ça a été génial, effectivement. Là, par contre, là-dessus, je suis vraiment content. Et j'ai eu beaucoup d'embûches jusqu'à ce septembre 2004, où suite à beaucoup trop de travail, beaucoup de stress qui se sont accumulés au cours de ces années avec tous ces, effectivement, tout ce qui a pu m'arriver. J'ai décidé de, je ne sais pas pourquoi, de aller rejoindre des gens en Martinique. Et j'en avais ras-le-bol de vivre ce que je vivais. Il fallait que je change totalement de vie. Vous voyez pas si bien dire. Donc je suis parti en Martinique, j'ai tout quitté. Et puis je devais travailler là-bas en Martinique, mais finalement ça s'est pas passé comme je l'avais prévu. Et étant un dingue de plongée sous-marine, j'ai décidé de transformer ce voyage en vacances. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer une personne qui était professeure dans un club de plongée qui m'offrait l'opportunité de travailler avec lui donc, et de passer mes diplômes de plongée que j'avais déjà, mais il fallait encore que je fasse quelques exercices assez périlleux pour pouvoir obtenir certaines accréditations pour être prof, bien évidemment, de plongée sous-marine. Donc, l'accident, il a été très simple. Ça a été principalement un manque de sérieux, puisque là, on entamait effectivement une plongée très technique, puisque on devait descendre à plus de 60 mètres de profondeur, à peu près 65 mètres. C'est un exercice qui est impératif à faire. Mais sachez que le mélange que vous avez dans votre bouteille ne vous permet qu'un mélange d'azote et d'oxygène ne vous permet que de descendre que jusqu'à 40 mètres. À partir de 40 mètres, ce mélange devient hyper nocif selon la résistance de chacun et chacune. Et il se trouve que vous rentrez en état de narcose. à partir du 45e mètre, 50e mètre, alors je ne vous explique pas, 65 mètres. Il est vrai que j'ai fait une grosse bêtise, puisque la veille au soir, j'ai fait la fête avec pas mal de gens. Et mon taux d'alcool devait être un petit peu trop encore présent lors de cette plongée, ce qui fait qu'arrivé à 62,50 mètres, j'ai encore l'ordinateur à la maison, j'ai vécu ce qui s'appelle une narcose complète, qui m'a tellement secoué que ça s'est transformé en essoufflement. C'est-à-dire que malgré ce matériel haut de gamme que j'avais, je ne pouvais plus respirer sous l'eau. J'étais en train de me noyer tout simplement. Donc malheureusement, personne dans la palanquée dans laquelle j'étais a vu que j'étais en perdition. Je suis remonté très rapidement parce que je voulais absolument respirer. Je me noyais, il fallait absolument que je respire. Sauf que le cerveau, d'un seul coup, comprend que t'es en train de te noyer, donc faut que tu remontes, mais techniquement, l'ordinateur, lui, vous dit que si tu remontes à la surface, sans observer deux paliers de décompression impérative d'à peu près 15 minutes, arriver là-haut, c'est l'implosion totale à l'intérieur de notre corps. Donc je savais, d'un seul coup, en remontant à cette vitesse-là, j'allais mourir. Donc j'allais mourir en repassant le plafond et j'allais mourir en restant dans l'eau. Donc tout ça en quelques secondes, donc c'est très très très court. Et là, d'un seul coup, le cerveau comprend que, et vous fait comprendre que c'est terminé. De toute façon, vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Alors, effectivement, il s'est passé des choses assez... assez perturbante lors de ces petites dixièmes de secondes qui se sont passées. C'est-à-dire que d'un seul coup, lorsque j'ai compris qu'il fallait que je meure, que j'allais mourir, j'ai pas refusé d'ailleurs, j'ai même trouvé ça très agréable. J'ai trouvé ça d'un seul coup, mourir en plus dans la mer des Caraïbes, quand on est plongeur et sous l'eau, c'est mieux qu'en pleine mer du Nord. Je m'excuse pour nos amis belges. Mais il est vrai que j'ai tout de suite eu ce sentiment de « Oh, bah si c'est que ça, finalement, c'est chouette. » Par contre, d'un seul coup, alors bien sûr, je suis spirite aujourd'hui, mais je tiens à raconter cette expérience de manière tout à fait objective, sans faire vraiment... j'ai des réponses, bien sûr, aujourd'hui, mais je voudrais amener ce témoignage de manière à satisfaire aussi toutes les personnes qui ne sont pas encore spirites et qui ont vécu une NDE. Il faut les aider absolument, parce qu'on n'a pas beaucoup d'aide. Donc, il est vrai que, donc je vais vous en lancer quelques petits missiles, vous allez tout de suite les comprendre. Mais il est vrai que la première chose à laquelle j'ai pensé, la première chose qui m'a étonné, juste avant de mourir, c'est de me dire, de constater que d'un seul coup, vous n'avez plus aucun problème. Ça, c'est hallucinant. Ça m'a vraiment travaillé en quelques secondes. Hein, c'est que vous avez oublié de fermer la fenêtre de chez vous, vous avez oublié de payer votre facture d'EDF. Ça va pas bien avec votre petite amie en ce moment. Enfin, il y a plein de choses qui vous viennent. Ça n'existe plus. D'un seul coup, le seul problème que vous avez, c'est de rester en vie. Donc, ça a été un effacement total de tous les problèmes. Et puis, lorsque j'ai décidé d'aller vers la lumière que je voyais, puisque sous l'eau, d'un seul coup, une lumière éclatante s'est offerte à moi, j'ai une pensée très très négative déjà, mais vis-à-vis de mon fils, mon propre fils, puisque d'un seul coup je me suis dit mais j'ai pas eu le temps de dire à mon fils que je l'aimais, j'ai pas eu le temps de dire à plein de gens que je les aimais, et d'un seul coup on vous fait comprendre que bah, de tout, c'est trop tard, il fallait le faire avant. Un petit peu comme si on le voit dans certains films, la faucheuse vous prend par le bras et vous emmène là où vous devez aller et qu'il n'y a plus rien à faire. Donc, j'ai ressenti déjà un sentiment de mal-être et de culpabilité de ne pas avoir dit « je t'aime » à beaucoup de gens autour de moi. Et puis, si je suis là, c'est que je m'en suis sorti. Je ne devrais pas être là, bien sûr. Une fois que j'ai accepté la mort, dire « bon, bah, ok, on y va, il n'y a pas de souci, je vous suis ». Pendant que tout ça se passait, effectivement, l'un des plongeurs qui était avec moi à 65 mètres s'est rendu compte que j'étais plus là. Et c'est lui qui m'a sauvé in extremis, à peu près 30 mètres de profondeur, j'étais arrivé. Et c'est lui qui m'a secoué dans tous les sens et qui m'a réveillé. Voilà. Il m'a fallu au moins 3/4 d'heure, 1 heure avant de pouvoir remonter à la surface, d'avoir l'accord du directeur de plongée, puisqu'il a fallu que je vide à peu près 3 bouteilles avant de pouvoir remonter à la surface, ce qui n'est pas rien. Ce qui veut dire que si j'étais effectivement remonté sans avoir fait les paliers de décompression, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais bizarrement, c'est que tout a changé à l'instant T. Je pense que la chose la plus importante qu'il faut dégager d'une NDE, et ça tout le monde est unanime là-dessus, tous ceux qui ont vécu une NDE, je crois que la chose la plus importante, c'est le changement radical. Avant, j'étais athée, je ne croyais pas en Dieu. Je faisais des séances de spiritisme quand j'étais jeune. C'est vrai que quand j'avais 16 ans, j'avais fait une rencontre avec des gens qui faisaient des séances de spiritisme, les fameux Ouija, vous savez. Et on était plutôt satanique que autrement spirituellement. Bon, c'était un jeu. Ce jeu a eu des conséquences assez nombreuses, mais c'est un autre débat. Mais c'est vrai que j'avais déjà une ouverture d'esprit sur la vie après la mort. Je savais au fond de moi-même qu'il y avait quelque chose, mais à ce point-là, non. Alors je peux vous dire qu'au moment où j'ai quitté l'eau, c'est-à-dire que je suis remonté de 3 mètres à zéro, j'ai pu enlever mon détendeur et enfin respirer. Et là, j'ai tout de suite déjà ressenti des choses très bizarres que je ne ressentais pas à l'époque, avant l'accident, c'est-à-dire 10 minutes avant, une heure avant. Ce sentiment, comme si j'avais un sixième sens. Alors je vous l'explique, c'est très simple, c'est qu'au moment où j'ai relevé la tête de l'eau, j'ai respiré et j'ai senti des choses que je ne sentais pas une heure avant, c'est-à-dire la nature. On était très proche on était dans une petite crique, arborée vraiment beaucoup d'arbres, et je ressentais l'odeur des arbres. Sur le bateau, je ressentais effectivement également l'eau qui venait sur moi, c'était comme si elle faisait partie de moi, comme si moi, je ressentais toute la nature. Et ça m'a pas perturbé jusqu'à mon retour au club de plongée. Je ressentais tout. Je recevais pas mal d'informations sur la nature. Je ne sais pas pourquoi, enfin, je le sais maintenant, mais ça a été une première réaction bizarre. La deuxième réaction bizarre, c'est que quand le chef de palanquée, parce qu'on était trois groupes de plongeurs, hein, il y avait les pros, les débutants et puis les intermédiaires, donc le chef de la palanquée avec qui j'étais, qui avait à peu près 8000 plongées derrière lui, quand il m'a vu sain et sauf, bon, ils m'ont un peu chambré, bien sûr, ils m'ont dit « alors le petit jeune, on a des petits soucis apparemment ». Il m'a regardé, il m'a dit « tu as vu la mort ?» Et je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai fait « comme je te vois ». Et je ne sais pas pourquoi, parce que je n'étais pas du tout encore apte à comprendre ce qu'est le spiritisme, ce qu'est un médium à l'époque. Et il m'a regardé comme ça, il m'a dit « bon courage ». Je fais « bon courage, pourquoi ?» Il me fait « t'es pas au bout de tes surprises ». Et je fais je me souviens de lui avoir répondu « merci de me réconforter ». Parce qu'avec ce que je viens de vivre déjà, je ne sais pas ce qui pourrait m'arriver de pire. Et effectivement, il m'a dit « apprête-toi à faire des beaux cauchemars ». Bon, je n'ai pas plus relevé que ça, mais effectivement, qu'est-ce qui s'est passé après l'accident? Il s'est passé 11 années d'interrogations complètes et de phénomènes tout à fait ce qu'on pourrait qualifier de paranormaux, à savoir que j'ai commencé dès le premier soir de l'accident à m'endormir. J'étais effectivement épuisé parce qu'il venait de m'arriver, assez fatigué, donc je me suis couché de bonne heure et je me suis endormi. Et je me souviens encore que mon lit était, comme la plupart des gens chez vous, je suppose que votre lit il est contre le mur, hein, je ne vois jamais des gens qui mettent un lit en plein milieu de la chambre, c'est pas très pratique, mais là il était vraiment collé, comme n'importe quel lit pourrait être collé contre un mur, et je m'endors, sauf que, je ne sais pas si vous avez vu ce film, bon, ce fameux film d'horreur qui ne sont là que pour faire peur, mais le fameux film Freddy Krueger, Les Griffes de la Nuit, où en fait les gens qui s'endorment vivent des choses bizarres, enfin horribles d'ailleurs, et qui n'arrivent pas à faire la différence entre le rêve et la réalité. C'est ce qui m'est arrivé, puisque à peine, enfin, je ne savais pas si j'étais endormi ou pas. J'étais dans la chambre, je regardais le plafond, enfin dans mon rêve, puisque je rêvais effectivement, et d'un seul coup je vois une main de femme qui passe devant mon nez, comme ça, et puis qui m'entoure le cou, sans même savoir si j'étais encore endormi ou pas. Je n'arrivais pas à savoir si j'étais endormi ou pas. Je ressens encore la bouche de cette femme dans mon oreille, qui me chuchote d'une manière très comment dirais-je, très, très calme, mais surtout très déterminé, mais très calme. Elle me chuchote dans l'oreille, tout simplement, « Je vais te tuer. Je vais te tuer. » Et je me souviens de... Je me souviens même du visage de cette femme encore aujourd'hui. Je sens encore là, au moment où je vous le dis, sa bouche sur mon oreille. Donc c'est... j'ai dû hurler dans mon rêve, effectivement. J'ai hurlé. Et c'est ce hurlement qui m'a réveillé. Le premier réflexe en me réveillant, c'est de me retourner pour voir si elle était encore là. Et évidemment, c'était impossible qu'elle soit là, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'espace entre le mur et le lit. Donc... il faisait plus de 30 degrés, on était en plein été en Martinique, j'ai ressenti un froid pas possible de partout. J'ai ressenti un mal-être terrible, alors ça a été très perturbant ce rêve, effectivement, ce cauchemar. On m'a donné il n'y a pas très longtemps l'explication, mais tout ce que je vous dis là pour l'instant c'est rien à côté de ce qui s'est passé quelques mois après. Puisque quelques mois après, je suis rentré en France finalement en me disant que la Martinique c'était terminé pour moi. Bizarrement, j'avais dû aller là-bas sûrement pour uniquement faire une ENDE et revenir après sur la région parisienne. Mais avec des gros soucis, puisque quelques mois après, j'étais à mon bureau, comme je suis installé ici, et d'un seul coup, je m'affirme, parce que je suis organisateur de mariage, c'est mon métier, disque jockey, animateur, j'étais en train de refaire des plans d'attaque pour une nouvelle société sur l'organisation de mariage et je me posais une question dans ma tête, bizarrement, je me disais, tiens, comment je pourrais faire ça? Et puis d'un seul coup, il y a la réponse qui vient toute seule. Une voix qui me parle, qui dit, bah, pourquoi tu fais pas ça? Sur le coup, je dis, tiens, je délire peut-être, je me repose une autre question et il me redonne encore une réponse. Et là, je dis, ça va pas recommencer, c'est pas possible. que se passe-t-il? Et d'un seul coup, d'un seul, des informations et des réponses sur des choses que je ne connaissais absolument pas. Ça n'a pas duré 2 minutes, ça n'a pas duré 5 minutes, ça a duré à peu près plus de 3 mois. Pendant 3 mois, j'ai eu des informations. Alors, ces informations-là, je les classifie pour que tout le monde puisse comprendre un petit peu. C'est très simple, vous avez tous en tête un film de James Bond, où James Bond il va dans le bureau du méchant, et puis avec sa petite clé USB, il va dans l'ordinateur, et puis il va prendre les informations dont il a besoin. Et c'est un petit peu pareil ce qui m'est arrivé, parce qu'à un moment donné, le méchant il arrive, et il est obligé de retirer la clé rapidement, mais avec le peu d'informations qu'il a, ça leur permet d'avancer dans leurs enquêtes. Et je conçois effectivement ce qui m'est arrivé à peu près la même chose, c'est que... j'ai reçu une bribe d'informations, mais j'ai pas tout reçu. Il manquait quand même pas mal de choses, mais d'un seul coup, j'avais des réponses à tout. Et c'était assez, assez troublant, assez gênant. Et s'il y a bien un seul mot que je retiens de cette expérience, de tout ce qu'on m'a enseigné pendant plus de 3 mois, c'est pas Dieu, c'est pas amour, c'est pas spiritisme, c'est qu'un seul mot qui revenait en permanence. Ce mot, c'était logique. Logique. Pourquoi logique? Et en fait, logique, on me disait, plus tu seras logique, et moins il pourra t'arriver de choses terribles. Si tout le monde utilisait la logique, tout pourrait aller vraiment mieux. Donc, je ne sais pas, c'est vraiment le seul mot que je retiens. Logique, logique, logique. Le seul souci, c'est quand vous commencez à avoir des réponses sur pas mal de choses, et surtout dans ce domaine-là, Jean-Paul l'a dit là il y a quelques instants, j'ai commencé à péter les plombs, complètement, parce que j'avais accès à quelque chose d'inconnu, et surtout quand j'ai commencé à voir mon entourage, ma famille, mes propres amis voulaient me faire interner parce que je devenais fou, tout simplement, enfin fou, pour eux je devenais fou. Je voulais carrément louer Palais Omnisports de Bercy parce que j'avais des révélations à faire à l'humanité entière. Donc je peux comprendre ma famille, effectivement, elle a pu s'inquiéter, mais j'avais tellement d'informations à donner, que j'ai compris rapidement qu'il valait mieux que je me taise, et puis d'attendre que ça se passe. Ça a duré 11 ans comme ça. Pendant 11 ans, effectivement, il a fallu que j'ai pas trouvé forcément de réponse, ni de centre vraiment adapté à mes besoins, parce que j'ai pas eu non plus la démarche de le faire. Mais ce qui est important à dire, effectivement, c'est que Il faut aider absolument les gens qui font une NDE, il faut les aider parce que j'ai trouvé effectivement la solution dans le spiritisme aujourd'hui. Le spiritisme m'a amené les solutions, il m'a amené la réponse sur lesquelles je me posais, mais le spiritisme, je n'avais pas accès à l'époque encore. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé il y a à peu près un an et demi de ça. Je pense qu'il y a peut-être des gens ici qui ont peut-être ressenti la même chose. Mais pendant ces 11 ans-là, j'ai dû garder le silence. Mais vous avez toujours une rencontre, tout le temps, assez souvent. Et on remet le sujet sur le tapis et c'est reparti. Mais cette rencontre-là va vous faire un petit peu avancer et vous allez vous sentir moins seul. Mais il y a toujours quelque chose qui fait que, et j'ai beaucoup de gens autour de moi qui faisaient de la psychographie également et qui me demandaient conseil. Christophe, j'ai des choses qui se passent chez moi, est-ce que tu peux m'aider? Qu'est-ce que tu en penses? D'accord. Donc ce qui est important surtout, c'est qu'il faut aider les gens qui ont fait les deux parce que c'est pas évident à supporter. Aujourd'hui, j'ai compris qu'effectivement, c'était un phénomène tout à fait naturel de ce qui m'était arrivé et que ce qui m'importe le plus aujourd'hui pour conclure, parce qu'il ne me reste plus que 5 minutes, je suis désolé, c'est des sujets sur lesquels on pourrait discuter des heures et des heures entières. Mais le plus important, c'est effectivement de se dire aujourd'hui, puisqu'on est quand même entre spirites, il y a beaucoup de spirites aujourd'hui, pourquoi on m'a laissé la vie sauve? Pourquoi je ne suis pas parti? Pourquoi avant je ne pensais pas tout seul qu'aujourd'hui je le pense? Il y avait une raison sur ce sujet-là. Sachant qu'aujourd'hui, j'ai totalement changé de comportement par rapport à avant. J'étais matérialiste comme beaucoup de gens. Il me fallait le dernier machin, le dernier truc. Si t'as pas la nouvelle Twingo, t'es un nul. Si t'as pas le nouveau portable, t'es un nul. Le paraître, enfin voilà, aujourd'hui je suis heureux d'avoir au moins un toit et mon frigo plus ou moins rempli, c'est déjà un pur bonheur, sachant qu'il y en a qui dorment dans la rue. Mais ce qui est important surtout, c'est de se dire, et ça c'est ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est ce qui me préoccupe le plus, c'est que si on m'a laissé la vie, ce que je me souviens bien lors des dialogues que j'ai eu pendant 3 mois avec cette petite voix, on m'a bien fait comprendre, Christophe, on ne t'a pas rendu la vie à des fins égoïstement personnelles. Je me souviens encore de ce témoignage, enfin de ce message où on m'a dit, Christophe, on compte sur toi pour changer le monde. Parce que vous êtes bien gentil, mais enfin à mon niveau, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Je suis insignifiant, une toute petite goutte d'eau dans l'océan, un petit grain de sable dans le Sahara. Comment veux-tu que je fasse pour changer le monde? Et je me souviens qu'on m'a répondu, lico presto, mais Christophe, d'un air vraiment désabusé. Tu as toutes les armes en toi pour le faire, on te les a données, alors fais-le, mais dépêche-toi. Alors dépêche-toi, c'est vrai que ça fait qu'à peine un an et demi que je côtoie les centres spirites. La première personne que j'ai rencontrée, c'est Fatima d'ailleurs, au téléphone, qui m'a conseillé vivement d'aller rejoindre certains centres, dont la PES de Anita, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est au Brésil, je crois. Mais j'ai eu mes réponses. Et il y a un an et demi de ça, donc voilà, c'est ça, je voulais en venir là-dessus. J'ai ressenti donc ce fameux sixième sens que je parlais tout à l'heure, on ressent beaucoup de choses, d'un seul coup que je ne sentais pas avant. Je l'appelle le sixième sens. Il y a un an et demi de ça, ma sœur déménage, et je l'aide bien évidemment à son déménagement. Et il est vrai qu'ayant fait des séances de spiritisme, enfin de Ouija, avec des gamins plus ou moins dérangés comme moi à l'époque, j'avais déjà acheté quelques ouvrages à l'époque, une bonne dizaine sur la vie après la mort, sur l'au-delà, sur l'ésotérisme, enfin sur beaucoup de choses que je n'avais jamais vues. Finalement, j'avais ces bouquins-là, mais c'est vrai que j'ai du mal à lire, n'est-ce pas Jean-Pascal? C'est vrai que j'ai un peu de mal à lire, mais lors de ce déménagement, il y a un an et demi de ça, ma sœur me dit, écoute, t'es gentil, mais là j'ai un carton à toi qui traîne depuis des années dans ma cave, j'aimerais bien que tu m'en débarrasses. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ouvre le carton, et là, puisque je vois mes 10 ouvrages spirit, que j'avais acheté 20, 25 ans avant, que j'avais jamais lu. Oh, je fais, tiens, et je ne sais pas pourquoi je suis attiré par ces livres-là, d'un seul coup. Même si ça s'est passé 11 ans après l'accident. Et d'un seul coup, je me dis, c'est bizarre, parce que je regarde ces bouquins et celui-là. Et là, j'ai scotché totalement sur un bouquin. Il y en avait 10, non, c'est sur celui-là que j'ai scotché. Il est avec moi, il est là. Je n'invente rien, je ne sais pas si vous voyez bien. Je l'avais acheté 25 ans avant, ça s'appelle Le Livre des Esprits d'Alan Kardec. Sur les 10, c'est le seul que j'ai ouvert, c'est le seul que j'ai lu entièrement, que j'ai dévoré, que je relis, que je relis, que je relis. Plus vous le relisez, plus vous apprenez. Le Livre des Médiums est pas mal non plus. Mais celui-là, effectivement, j'ai eu enfin toutes mes réponses qui me... Pendant 10 ans, j'ai cru que j'allais péter vraiment les plombs. J'ai eu mes réponses dans ce bouquin-là. Et Anita m'a beaucoup aidé aussi. Beaucoup de gens m'ont beaucoup aidé. Fatima, Jean-Pascal, Gérard. Il est vrai qu'on m'a vu arriver dans le monde spirit il y a à peine un an, ça, avec une soif pas possible de faire quelque chose enfin, parce que j'ai ressenti, effectivement, il y a un an et demi, quand j'ai retrouvé ce bouquin, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais un sentiment terrible. Alors on pourra en reparler à ceux à qui c'est arrivé, mais il y a un an et demi, j'ai ressenti vraiment un trouble terrible. Pas pour moi, mais au niveau planétaire, j'ai ressenti un mal vraiment très puissant qui règne ici sur cette terre. Alors j'ai ressenti le bien absolu en ayant eu cette expérience. Le bien existe, Dieu existe effectivement, mais le mal aussi existe et il couvre vraiment notre planète. Et il y a un an et demi, j'ai senti qu'il fallait faire quelque chose, c'est pour ça que je me suis tout de suite intéressé au centre spirit, que j'ai rencontré Fatima qui m'a dirigé vers la paix, et j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose à faire, que c'était important de faire quelque chose. Et je suis arrivé dans les... à la paix, où il y a souvent des réunions, effectivement, le vendredi, et j'ai rencontré Gérard Fremrel qui était là tout à l'heure, il ne me connaissait pas, et pendant une pause, j'ai été voir quelques responsables qui étaient là cette journée, et je leur ai dit, bon ben écoutez, c'est bien gentil, vos discours, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on attend pour agir? Vous vous rendez compte quand même que rien qu'avec ce bouquin-là, et rien qu'avec ce qu'on sait, on devrait remplir des stades entiers aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je ne suis pas déçu, loin de là, parce que j'adore venir à des réunions, je suis invité, mais je trouve qu'on n'est pas nombreux, vraiment pas nombreux. Alors, pourquoi ne sommes-nous pas nombreux? Qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant pour que la prochaine fois, la salle soit doublée, carrément, voire triplée? Parce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a entre les mains le sens de la vie, tout simplement. Et il est important, je pense, de partager. Aujourd'hui, le seul mot que je retiens finalement, à part le mot logique, c'est surtout le mot amour que j'ai appris. Amour, partage, fraternité. Alors, unissons-nous, j'ai entendu pas mal de choses intéressantes. J'ai entendu Jean-Paul, j'ai entendu Charles, Gérard aussi. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut, je pense, impérativement, j'avais soumis l'idée l'autre jour, et je pense que tout le monde le veut, c'est de faire une maison mère spirit en France. Unissons-nous, signer une charte personnellement. Alors, je vous le dis sincèrement, je n'appartiens à aucun centre spirit, à aucune association. Je suis un électron libre. Si vous avez effectivement, bon là, j'avais que 20 minutes, mais je compte faire un reportage sur la MDE. Donc je cherche aussi des bénévoles de mon côté. Je vais faire un reportage de ce qui m'est arrivé. Ça, je vous en reparlerai ultérieurement. Mais ça, c'est l'objectif principal que j'ai, c'est de promouvoir effectivement ce reportage afin d'aider ceux qui ont fait une MDE et d'aider un petit peu le spiritisme à évoluer. Il est vrai que j'ai rencontré, on m'a dit tout de suite, Christophe, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Je pensais révolutionner le monde spirit avec ce qui m'était arrivé. Il a fallu déjà que j'avale ce bouquin et déjà j'ai compris qu'il fallait être patient. C'est la chose que la plupart des spirites que j'ai rencontrés, Jean-Pascal, Gérard, Anita, m'ont tous dit, mais Christophe, doucement, doucement, ralentis les chevaux. On est en bonne voie, c'est vrai qu'on est... On est en train de progresser. Je voudrais terminer sur cette excellente nouvelle que je voulais vous faire partager. On a parlé tout à l'heure du professeur Charbonnier qui, au niveau des NDE, a fait un travail extraordinaire, qui a récolté énormément, énormément de témoignages. La médecine bute, les scientifiques butent. J'ai étudié un petit peu tout, les scientifiques, la médecine. On m'a dit que c'était le façon, la NDE, c'était naturel. C'est le cerveau qui, au moment de mourir, avait Une réaction bizarre, sauf que je suis désolé, mais quand vous avez quelqu'un dans le coma profond et qui vous dit que dans la pièce d'à côté, ce qui s'est passé alors qu'il était dans le coma, voire même à des centaines de kilomètres, il s'est vérifié, je pense pas que ça soit un effet psychique, mais plutôt spirituel, effectivement. Il y a bien une vie après la mort, sachez-le, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner, mais... Je pense que si on m'a laissé la vie, pour l'instant, c'est justement pour faire quelque chose, et quelque chose de positif. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de représentants de Centre Spirit. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez besoin de mon témoignage lors de certaines conférences, je viendrai avec grand plaisir, que ça sera 100% gratuit, puisque je le fais, bien évidemment, de bon cœur, pour partager avec tous ceux qui auraient besoin d'aide. Je voudrais finir sur cette conclusion du professeur François Lallier. Donc, je ne sais pas si au niveau de la médecine, au dernier symposium médecine, ils en ont parlé, mais sachez quand même que fin 2014, début 2015, le professeur François Lallier, alors je vous le lis, hein, ça c'est vraiment ce qui s'est passé, il a fait une thèse, c'est pour ça que je dis qu'on avance et j'en suis très heureux. Et c'est pas rien, sa thèse, c'est la première fois dans une thèse de doctorat en médecine que l'on parle à la fois de mort provisoire et à la fois de conscience extra-neurale. La conscience intuitive est une conscience qui serait beaucoup plus performante. Située en dehors de notre cerveau, elle est reliée à nos cinq sens. Je pense que vous avez tous et toutes compris à peu près le sens de cette thèse. Il parle tout simplement du périsprit pour moi. Cette thèse, sachez que cette thèse a été récompensée de façon maximale. Mention très honorable avec félicitations du jury. C'est-à-dire que là, enfin, on a la médecine qui a donné la récompense maximale à quelqu'un qui dit qu'effectivement la conscience continue après la mort. Donc c'est une très grande avancée, j'en suis content, il va falloir continuer. Maintenant on a parlé des médecins effectivement qui œuvraient dans le bon sens, le mal est partout, les médecins c'est pas le problème, le plus gros problème c'est les produits pharmaceutiques, c'est les grands groupes pharmaceutiques qui sont derrière tout ça. Bien sûr il y a des solutions, j'ai fait il y a quelques semaines une petite séance de 10 jours d'argile verte, tout à fait naturelle, j'ai tout nettoyé. Il y a des solutions en médecine et qui nous sont malheureusement bridées encore aujourd'hui à des fins commerciales, surtout pour les laboratoires pharmaceutiques, c'est plus là-dessus qu'il faudrait se battre, effectivement. Voilà, mais on avance, on progresse, je suis très content là-dessus. Pour terminer, je suis vraiment ravi d'avoir rejoint les différents centres spirites, de donner ma contribution. Je vous invite à venir très fréquemment, mais je vous invite aussi à essayer de se réunir. On l'a déjà fait avec Fatima il n'y a pas très longtemps, avec Gérard, avec Anita, pour savoir quelle est la prochaine étape, même si tout a un plan. Sachez que je n'appartiens donc effectivement à aucune association spirite. Moi je n'ai qu'un seul maître, je vais mal l'appeler, je sais qu'il en rigole, c'est le big boss pour moi, c'est Dieu. Il a son plan, si ça se trouve on est là à s'inquiéter, tout va se passer comme il l'a prévu, mais le mal est quand même très très omniprésent en ce moment, je l'ai ressenti vraiment très fortement et je pense qu'il y a quelque chose à faire et l'unité est effectivement la solution.